sauter aussi par en avant. J'espère que ça va mal pour vous. C'est bien pour mon moral et pour mes sous. Quand je vois tous ces gens, tous ces vieux, seul mot, je peux les émouvoir. Oh, comme ça me fait du bien quand ils sont en chagrin. J'espère que ça va mal pour vous. C'est bien pour mon moral et mes sous. C'est bien.